إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل دراستنا في قصص من القرآن سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه. وبعد، donc on va continuer inshallah sur l'étude d'histoire tiré du Coran avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on va commencer sans plus attendre sur l'étude d'une nouvelle histoire tirée du Coran. Donc comme vous avez pu constater la fois dernière, on avait terminé l'étude d'une histoire qui s'est produite à l'époque du prophète Suleyman, qui lui-même a hérité de la prophétie de son père Daoud alayhi salam. Et donc on avait, la dernière histoire qu'on avait évoquée, c'était l'histoire de la reine de Saba, surnommée Bilqis, avec Suleyman. Donc cette reine, qui était une femme reine à l'époque au Yémen, et on avait appris que dans le Coran, Allah Jalla wa Ala nous mentionne l'histoire de cette reine avec Suleyman, alors que c'était une adoratrice du soleil, ainsi que son peuple. Ensuite, Suleyman alayhi salam l'a appelé au tawhid, à l'unicité, à la religion du monothéisme, et ensuite elle embrassa la religion de Suleyman alayhi salam. Et donc aujourd'hui, on va passer à l'étude d'une nouvelle histoire, biznillahi ta'ala, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on avait dit que dans le Coran, aussi bien il y a des histoires de prophètes et d'envoyés, comme il y a d'autres histoires qui ne sont pas forcément des histoires de prophètes et d'envoyés. Et le point commun qu'il y a dans ces histoires, que ce soit les histoires liées aux prophètes et aux envoyés, qu'Allah Jalla wa Ala nous enseigne dans son livre, dans le Coran, ou bien que ce soit d'autres histoires qu'il y a dans le Coran, par exemple l'histoire de certains peuples, l'histoire d'hommes, comme on va voir aujourd'hui. Le point commun qu'il y a dans ces histoires, c'est qu'il y a des enseignements utiles et profitables à tirer. Il y a des leçons à tirer pour tous les croyants. Et c'est ça qu'il faut, comme on va voir, c'est ça qu'il faut faire à travers la lecture, l'étude de ces histoires. Ce qu'il faut, c'est tirer les enseignements et les leçons qu'Allah Jalla wa Ala nous enseigne. Et donc, c'est des leçons aussi bien pour les individus, pour la personne elle-même, pour le croyant, mais aussi bien pour les peuples. Ce sont des leçons immenses pour les peuples, comme on va voir aussi dans ce qui va suivre, comme ça sera démontré. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, biznillahi ta'ala, avec l'aide d'Allah, on va essayer de comprendre, tirer des enseignements d'une histoire immense qui nous est mentionnée dans le Coran et dont tous les musulmans qui connaissent le mérite et donc qui connaissent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le mérite de lire cette sourate tous les vendredis. Tous les vendredis. Donc beaucoup de musulmans lisent cette sourate tous les vendredis. Et pour cela, le fait de la lire, ça doit nous mener à réfléchir, à méditer ces versets. En l'occurrence, donc, vous avez compris, c'est la sourate La Caverne. Sourate Al-Kahf. Sourate Al-Kahf, la sourate de La Caverne. Et donc, cette sourate, qu'on lit le vendredi, entre autres, hein, qu'on peut lire à tout moment, qu'il faut lire à tout moment, mais dont il y a un hadith du prophète qui nous mentionne justement le mérite et le bienfait de lire cette sourate le vendredi. Dans cette sourate, La Caverne, vous avez pu constater qu'il y a l'histoire dont est tiré justement le titre de cette sourate, l'histoire des jeunes de la caverne. Il y a d'autres histoires aussi, comme on va voir dans ce qui va suivre. Mais il y a une grande histoire dans cette sourate qu'on appelle la sourate El-Kahf, la sourate de la caverne. Donc, à la base, cette sourate, à la base, c'est une sourate mécoise. Donc, c'est-à-dire qu'elle a été révélée à l'époque mécoise, pendant cette période où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était à la Mecque. Donc, pendant les débuts de l'appel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les mérites de cette sourate, il nous est relaté dans un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Abu Darda, le célèbre compagnon, radiallahu ta'ala an, qu'Allah l'agrée. Il rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque retient, mémorise par cœur les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, la caverne, sera préservé de l'épreuve de l'antéchrist. » Sera préservé contre l'antéchrist. Et on a une autre riwaya, une autre version, une autre narration, une autre variante du récit, où il est dit « Celui qui aura retenu, mémorisé les 10 derniers versets de la même sourate, » Et ce hadith, il est rapporté par l'imam muslim, ainsi que l'imam Ahmed et l'imam An-Nasa'i. Et l'imam An-Nasa'i. Sauf avec la seule différence que ces versets sont les 10 premiers ou les derniers, entre autres, de cette sourate. Et donc ça, c'est en ce qui concerne les mérites de cette sourate. Le fait donc qu'il est méritoire, comme le prophète Ansem a incité sa communauté dans un récit, de la lire le vendredi, de la lire tous les vendredis. C'est pour cela que beaucoup de musulmans lisent cette sourate tous les vendredis. Et ça prouve les mérites et la grandeur de cette sourate qui est sourate El-Kahf. Et donc il y a un grand bien en cela, elle sera une lumière pour ceux qui la récitent du vendredi à l'autre vendredi. Et elle sera source de lumière. Et donc aussi parmi ses vertus et les mérites de cette sourate, le fait que celui qui mémorise, comme dans le hadith d'Abu Darda qu'on vient de citer précédemment, les 10 premiers versets, ça sera une protection contre l'antéchrist. Il sera préservé contre l'antéchrist. Et dans l'autre version, il aura retenu les 10 derniers versets. Pour celui qui aura retenu les 10 derniers versets, comme c'est rapporté par les rapporteurs, les compilateurs, dont on a cité les noms précédemment. Et donc ça nous prouve les mérites de cette sourate, le mérite immense de cette sourate et le bienfait de lire cette sourate et en l'occurrence de la lire le vendredi, comme ça nous est enseigné dans un récit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa mimma yadullu ala fadli qira'ati hadhihi as-surah في أيوم الجمعة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه البيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Et le récit justement qui nous mentionne et qui nous indique le mérite de la lecture de Sourate Al-Kahf le vendredi, c'est le récit de Saïd Al-Khudri, Abu Saïd Al-Khudri, le célèbre compagnon, qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui lit la Sourate Al-Kahf fi yawm al-jum'a, le jour du vendredi, adha'a lahu min an-nur ma bayna al-jum'atayn, il sera éclairé par une lumière jusqu'au vendredi suivant, jusqu'au vendredi suivant. » Et c'est ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bayhaqi qui indique le mérite de lire Surat al-Kahf le vendredi, qu'il soit éclairé entre ces deux vendredis, ce vendredi-là et le vendredi suivant, qu'il soit éclairé par une lumière. Et parmi les savants qui jugent ce hadith bon et fiable et authentique, Sheikh al-Albani, puisqu'il y a des avis différents sur l'authenticité du récit, mais lui, quant à lui, Sheikh al-Albani, comme c'est rapporté par l'imam al-Bayhaqi, lui, quant à lui, Sheikh al-Albani, conforte cela en disant que le récit est authentique. Et donc ça fait partie des mérites de cette sourate, de la sourate al-Kahf, le fait de la lire le vendredi avec ce ce mérite qu'on vient de mentionner à travers le hadith de d'Abu Saïd al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu. Ensuite, en ce qui concerne cette sourate, vous allez voir, c'est une sourate merveilleuse, comme on a dit précédemment, immense et grande et noble, qui a été révélée à l'origine, à la base, hein, cette sourate, et pour la majeure partie des versets, a été révélée pendant la période mécoise. Donc on a dit pendant le prêche et l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, donc dans les débuts. Donc dans les débuts. Et les savants nous mentionnent qu'il y a un récit qui nous mentionne la cause de la révélation de cette sourate. La cause de la révélation de cette sourate. Donc avant de commencer l'étude des versets, justement, et de cette histoire en elle-même, la sourate des gens de la caverne, on va prendre la cause de la révélation de cette histoire, comme c'est rapporté par Abdallah ibn Abbas. Et il est dit, donc, on a un récit qui nous dit que la raison pour laquelle fut révélée cette sourate au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la cause, c'est que Quraysh, à l'époque, le peuple, les Arabes polythéistes, le peuple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était adversaire du prophète, ont chargé deux hommes. L'un s'appelait An-Nadr ibn al-Halith et l'autre c'était Uqba ibn Abil Mughith. C'était Uqba. Ces deux hommes étaient chargés d'aller à Médine à l'époque. D'aller à Médine. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait une communauté juive à Médine. Donc il y avait des gens du livre. En l'occurrence, cette communauté juive. Et eux, pour les Arabes, la communauté juive à l'époque, pour eux, c'était des gens qui connaissaient les livres. Et donc, c'est des gens qui avaient reçu des livres, et c'est des gens qui avaient eu des prophètes, et c'était des gens qui connaissaient les écrits, qui connaissaient les écritures, c'est-à-dire les livres. C'est pour ça qu'ils sont même appelés Ahlul Kitab, les gens du livre, que ce soit An-Nasara ou bien Al-Yahoud, que ce soit la communauté chrétienne ou juive, ils sont appelés les gens du livre. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui avaient une connaissance et qui avaient reçu des livres. Donc pour les Arabes, à l'époque, cette communauté juive qui avait à Médine, eux avaient la connaissance des livres et donc ils connaissaient les critères d'un prophète et d'un messager. Ils pouvaient reconnaître la véracité d'une personne lorsqu'il se prétendait prophète. Et donc eux voulaient, donc ils ont été plutôt mandatés par les Quraysh, pour aller justement à Médine et se rendre auprès de ces juifs pour leur décrire, pour leur faire la description de Mohammed, pour leur demander au sujet de la description du dernier prophète qu'ils ont dans leur livre. Et donc, comme on l'a dit, étant donné que les juifs sont les premiers qui ont reçu une écriture et ont des connaissances des prophètes, que nul n'en possède en dehors d'eux, ces deux hommes alors se dirigèrent vers Médine où ils s'adressèrent aux rabbins juifs à l'époque, aux doctes juifs si vous voulez, et leur dirent « Informez-nous sur cet homme puisque vous êtes le peuple qui a reçu la Torah et où est cité son avènement, c'est-à-dire l'arrivée du dernier prophète. » Alors ils leur répondirent « Demandez-lui. » Donc, vous avez pu comprendre qu'au résumé de cette histoire, les Quraysh voulaient savoir, ils voulaient la description de ce dernier prophète. Car ils voulaient voir effectivement et exactement, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vraiment un prophète et messager. Donc, pour cela, les Quraysh, ils ont envoyé ces deux hommes, comme on l'a dit, An-Nadr wa Uqba, parmi les polythéistes, il les a envoyés à Médine justement pour leur demander quels étaient les signes de ce prophète qui est évoqué dans la Torah et dont vous avez la description. Alors, les rabbins juifs les informèrent sur cet homme et pour cela, ils dirent, si vous voulez voir vraiment si c'est le prophète. Et si c'est un prophète envoyé par Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il est réellement et véritablement prophète, posez-lui la question. Posez-lui trois questions, entre autres, ils vont lui demander. S'il vous donne la réponse exacte, alors il est un prophète envoyé. Sinon, il est qu'un menteur et un imposteur. Et alors, ils dirent, et comportez-vous vis-à-vis de lui comme il vous plaira. Alors il dit premièrement, demandez-lui au sujet de quelques hommes qui vivaient à une époque bien ancienne, et quelle fut cette histoire? Donc l'histoire de jeunes qui ont vécu dans une époque ancienne, ils ont dit, demandez au prophète quelle est cette histoire. Puis, demandez-lui aussi au sujet d'un homme qui était itinérant, qui avait atteint aussi bien l'Occident et l'Orient, c'est-à-dire les deux extrémités de la terre. Et enfin, demandez-lui au sujet de Ar-Ruh, au sujet de Ar-Ruh, de l'esprit, de l'âme. Si ses réponses s'avèrent justes, il est donc un prophète, et suivez-le. Sinon, alors il est un imposteur. Alors vous avez bien compris que les trois questions qu'ont citées ces rabbins, c'était la question concernant Ahl al-Kahf, les gens de la caverne, et au sujet de Dhul-Qarnayn aussi, et la question au sujet de Ar-Ruh, au sujet de Ar-Ruh. Donc trois questions. Donc c'était une sorte de test. C'était un examen. Trois questions. Et donc, qui allait être posé au prophète, sallam, qui allait être une sorte de test et d'examen pour voir la véracité du prophète, sallam, et tester sa véracité. Donc alors, les deux hommes, il est rapporté qu'ils retournèrent à la Mecque et mirent leurs concitoyens au courant des renseignements reçus de ces juifs. Et donc, ils décidèrent de poser les trois questions au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Alors ils dirent, ô Mohammed, informe-nous sur ces trois points, sur ces trois questions. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit, certes, je le ferai. Revenez demain me voir. Mais sans dire, Inch'Allah. Alors l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'il demeura plusieurs jours. Plusieurs jours sans recevoir ni une révélation, ni Jibril qui vint à lui. Donc regardez, ils sont venus ensuite à lui, Quraysh, et lui ont posé ces trois questions. Et le prophète, vous avez vu, il ne répondait pas par lui-même. Et on voit que le prophète, sallam, ses réponses, elles n'étaient pas selon ses passions ou selon ses paroles à lui, mais c'était une révélation. C'était une révélation qui descendait sur lui. Et donc le prophète homme ne leur a pas répondu. Et ça fait partie des enseignements à tirer aussi. Le prophète, regardez, ne leur a pas répondu tant qu'il n'a pas reçu une science, un savoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, les croyants doivent suivre le modèle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en cela. Ne jamais répondre dans une chose avec ignorance sans qu'ils aient un argument et la preuve claire provenant d'Allah et de son messager. C'est-à-dire tiré du Coran et de la Sunna. Et donc le prophète sallam ne leur a pas répondu. Et le prophète sallam attendit de recevoir un savoir venant de la part de son Seigneur. C'est-à-dire il attendait la révélation. Et donc sur ce, le prophète leur a dit de revenir le lendemain. Mais le prophète n'avait toujours pas de réponse. Et il est même rapporté dans le récit que le prophète demeura comme cela pendant 15 jours. Et cela sans recevoir ni révélation ni la venue de Jibril, qui se porta, et donc ça mena les Mécois à douter de la mission prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils ont commencé à dire, voilà bien des jours qui se sont écoulés sans qu'il nous donne aucune réponse. Et donc ça a chagriné, ça a attristé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les Mécois parlaient mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il fut peiné, il fut attristé de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de voir justement son peuple agir de la sorte. C'est qu'enfin, Jibril, enfin, descendit. Jibril ensuite, alors vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui révéla la sourate Al-Kahf, la caverne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla wa Ala dit au prophète de ne pas s'attrister. Dit au prophète de ne pas s'attrister. Et Allah Jalla wa Ala lui raconta tout ce qu'il voulait savoir sur les jeunes hommes Et l'homme, justement itinérant, sur Dhul-Qarnayn, Allah l'a informé sur Ashab al-Kahf ou Dhul-Qarnayn, et aussi sur la deuxième question, et la troisième, Ar-Ruh. Et la troisième, Ar-Ruh. Qu'on peut voir aussi cela dans la sourate Al-Isra, dans la sourate précédente. Dans la sourate précédente, où il y a les versets concernant Ar-Ruh, l'esprit ou l'âme. Et donc, dans cette sourate, donc ensuite cette sourate, elle fut révélée donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans, justement, regardez le verset 5, le verset 5, où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, iras-tu jusqu'à mourir de chagrin parce qu'il refuse de croire? Une traduction approximative du sens du verset. Et donc, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala a soulagé le prophète sallam avec la révélation de cette sourate. Et Allah jalla wa ala commande au prophète de ne plus s'attrister sur les polythéistes qui refusent de suivre la voie droite, comme relate Ibn Kathir. Et ne croit point au livre révélé. Donc, ne pas s'attrister sur ces polythéistes-là qui refusent de suivre le droit chemin, le sentier droit, et aussi qui n'accordent pas foi au livre révélé. Et donc, sa mission se borne à la transmission du message, sans s'attrister sur les polythéistes. Car quiconque est bien dirigé n'est dirigé que pour lui-même, et quiconque est égaré n'est égaré qu'à son propre détriment. Et que son âme ne se répande pas en regret sur les impies. Et ça, c'est une grande leçon aussi pour nous. Le fait de ne pas non plus mourir de chagrin parce que d'autres ne veulent pas accorder foi, ne veulent pas accorder foi. Et donc ça, c'est une grande leçon à tirer déjà dans les débuts de la révélation de cette sourate. C'est pour cela que Allah Jalla wa Ala dit dans les premiers versets, Allah dit dans le début de cette sourate, il commence en disant Alhamdulillahi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Et donc là, on a les premiers versets de la sourate qui furent révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que, ensuite, dans le verset 6, Allah Jalla dit au prophète, tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et refusent de croire à ce message. Ou dans une autre traduction, on peut dire, iras-tu jusqu'à te consumer et mourir de chagrin parce qu'ils refusent de croire? Si nous avons pourvu la terre de tant de richesses, c'est dans le but d'éprouver les hommes, de savoir lesquels se comportent le mieux. Toutes ces richesses, nous les réduirons en poussière. Donc voilà dans les premiers versets. Donc là, dans cette sourate, on a une histoire immense maintenant. L'histoire des jeunes de la caverne. Quelle est cette histoire? C'est l'histoire de jeunes, qui vivaient à l'époque au sein d'un peuple qui était polythéiste. Des gens qui étaient païens. Et donc qui a adoré des dieux, des fausses divinités, et qui avait aussi, qui s'adonnait à des cérémonies païennes. Et donc dans ces cérémonies païennes, il y avait des offrandes et des adorations vouées à leur dieu, à leur fausse divinité. Et à cette époque, il y avait des jeunes qui, eux, étaient monothéistes. Et eux, ils refusaient justement de s'adonner à ces cérémonies païennes et de s'adonner à l'adoration donc de ces fausses divinités. Et il est dit qu'à leur époque, justement, à leur époque, il y avait un roi tyran. Il y avait un roi, et il est dit que c'était un empereur qui justement persécutait les monothéistes. Et certains disent qu'il s'appelait Décius. C'était un empereur romain qui était païen. Pour ceux, comme on le verra, qui pensent que l'histoire, pour ceux qui ont la conviction, qui sont d'avis que l'histoire des gens de la caverne, c'est l'histoire qui est mentionnée dans la tradition chrétienne. Il y a une histoire célèbre dans la tradition chrétienne qui est nommée les Sept Dormants. Donc il y a une histoire célèbre dans la tradition chrétienne qui est nommée les Sept Dormants. Et ces Sept Dormants aussi, cette histoire, l'histoire de ces Sept Dormants, elle est même devenue dans la tradition chrétienne et pour les chrétiens, une fête. C'est pour ça qu'il y a la tradition chrétienne, par exemple latine, font une fête en commémoration justement de cette histoire, les Sept Dormants. Ils font cette fête, par exemple, parmi eux au mois de juillet. Et d'autres, parmi les chrétiens d'Orient qui célèbrent cette fête, certains au mois d'août ou octobre. Donc, ils en ont fait même une fête. Et donc, dans la tradition chrétienne, cette histoire, c'est l'histoire des Sept Dormants. Beaucoup pensent que l'histoire des jeunes de la caverne, des gens du Kef, de la caverne, c'est cette histoire-là, fait allusion, c'est-à-dire l'histoire des gens de la caverne, fait allusion justement à cette histoire dans la tradition chrétienne qui est l'histoire des Sept Dormants. Et donc, ceux qui sont de cet avis disent qu'elle a lieu à l'époque justement de cet empereur romain. Donc, elle s'est produite dans cette ville d'Éphèse, en Asie mineure. Et ça, c'est selon la tradition chrétienne. Donc, pour ceux qui sont de cet avis-là, que l'histoire de Kef fait référence et fait allusion, justement, à cette histoire des Sept Dormants de la ville, de cette région d'Éphèse, qui était en Asie mineure, comme on l'a cité précédemment, alors eux, ils sont d'avis que cette histoire, donc, s'est produite, l'époque de cette histoire, s'est produite entre Isa, alayhi salam, et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi salam. Donc, la situation historique, pour reconstitualiser ici le contexte, ça serait produit, cette histoire, entre l'époque, entre Isa et Mohammed, c'est-à-dire que les jeunes de la caverne seraient des gens qui étaient suiveurs de la voie de Isa, alayhis-salam, et donc sur le tawhid, sur le monothéisme pur. Et qui serait partisan de Isa. Ibn Kathir voit autrement. L'érudit Ibn Kathir voit autrement. Il dit que plutôt cette histoire s'est produite à l'époque de Banu Israël. Cette histoire s'est produite avant Isa, alayhi salam, et à l'époque de Banu Israël. Et lui, Ibn Kathir, il appuie son avis en disant que à l'époque, comme on l'a vu dans l'évocation des causes de la révélation de cette sourate, on a dit que c'est les Quraysh qui avaient envoyé deux hommes parmi eux, à l'époque à Médine, pour retrouver des rabbins de la communauté juive, des rabbins des gens du livre. Pourquoi? Pour leur demander la description du prophète. Et donc, pour leur demander, pour savoir, comme on avait illustré cela tout à l'heure dans ce qui a précédé, est-ce que le prophète Mohammed était vraiment le prophète cité, ce dernier prophète qui était décrit dans la Torah? Et donc, que les gens du livre, en l'occurrence la communauté juive, avaient la description et connaissaient la description. Donc les polythéistes, pour ça, on a dit, ils ont envoyé deux hommes. Sauf que ces deux hommes de Quraysh seront envoyés vers ces rabbins, vers les rabbins juifs. En l'occurrence, Ibn Kathir, lui, dit que les rabbins juifs, du fait que eux ne considèrent pas la tradition chrétienne, et donc ils ne considèrent pas la véracité du message du prophète Isa, alayhi salam, et pour Isa est un imposteur, et donc n'est pas prophète. Donc, Ibn Kathir, lui, est d'avis que cela, donc cette histoire, ne s'est pas produite après Isa, alayhi salam, après Isa, sinon les rabbins n'auraient pas donné cette question concernant les jeunes de la caverne. Donc, lui, c'est pour ça qu'Ibn Kathir relate et lui est d'avis que ça s'est plutôt produit à l'époque des enfants d'Israël. Cette histoire se serait plutôt produite à l'époque de Banu Israël. Donc ça, c'est des détails concernant à quel moment elle se serait produite cette histoire. des jeunes de la Kavad, comme on va le voir dans ce qui va suivre. Est-ce que c'est à la période des enfants d'Israël, de Banu Israël, ou bien après, après le prophète Aïssa, entre la période de l'arrivée de Isa alayhi salam et l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En résumé, si vous observez dans le Coran, il n'y a pas ces précisions. Est-ce que cette histoire se serait produite à l'époque de Banu Israël ou bien après Isa alayhi salam? On n'a pas ces précisions. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces précisions-là, ce n'est pas les éléments les plus importants. Ce n'est pas les éléments les plus importants. Nous, souvent, on cherche après les détails. On cherche les détails d'une histoire. Donc, historiquement, on cherchait le détail à quel moment elle se serait produite. Donc, c'est des éléments. Historiquement, beaucoup de savants ont cherché et ont émis des réponses et des hypothèses. Et comme on vient de le dire, ça reste des hypothèses. Mais Allah, Jalla wa Ala, n'a pas précisé cela dans le Coran. Quand vous lisez la sourate La Caverne, vous voyez que cela n'est pas précisé. L'important, pourquoi? Parce que ce qui est voulu, c'est tirer les enseignements de cette histoire. C'est ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est tirer les leçons de cette histoire. Ce qui est voulu, c'est que les croyants, que l'individu, le croyant et les peuples tirent les leçons et les cours qu'il y a dans cette histoire. C'est ça qui est voulu. C'est ça qui est voulu. C'est pour ça que dans le Coran, il ne nous est pas relaté ces détails-là. Mais l'histoire, elle nous est relatée. Et donc, ce qui est important, c'est l'histoire en elle-même. Et donc, c'est l'histoire de jeunes qui étaient monothéistes à l'époque. Et donc, leur peuple était païen. C'était un peuple païen. Ensuite, ils ont fui leur peuple du fait que eux ne voulaient pas s'adonner à l'adoration de leur fausse divinité. Mais il y avait danger. Ils étaient en danger. Et donc, vous allez voir, il y a vraiment une grande leçon pour tous les croyants qui viendront ensuite. Le fait qu'ensuite, regardez, ils étaient en danger. Et donc, ils craignaient pour eux-mêmes. Et de ce fait, et du fait qu'ils craignaient pour eux-mêmes, alors, ils se sont enfuis. Ils se sont, alors ensuite, enfuis. Ils se sont enfuis, et là, on verra, ils vont fuir donc leur peuple. Ils vont fuir leur peuple. Yatazilouna qawmahum. Mais où est-ce qu'ils vont aller? Aina yadhhabun? Wa kayfa ya'ishun? Où est-ce qu'ils vont aller? Comment est-ce qu'ils vont vivre? Ils vont fuir leur peuple du fait qu'ils ne veulent pas s'adonner à l'adoration des fausses divinités de leur peuple. Du fait, comme on l'a dit précédemment, ces peuples avaient des cérémonies païennes et des fêtes païennes où ils vouaient le culte à leurs faux dieux et leurs fausses divinités. Et eux, alors qu'ils croyaient en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ne voulaient pas s'adonner à cela, mais ils avaient peur de l'oppression de leur peuple. Alors ils ont fui. Ils sont sortis. Mais innahum la ya'rifuna 'indahum 'indama ya'taziluna qawmahum ayna yadhhabun. Mais lorsqu'ils se sont isolés de leur peuple, ils ont fui, ils ne savaient pas où aller. Et où est-ce qu'ils allaient vivre? Wa ayyu buq'atin yaskunun. Fa innahum la ya'rifuna baladan muwahhidan yadhhabuna ilayhi. Et eux ne connaissaient pas, ils ne connaissaient pas à leur époque une terre où il y avait d'autres monothéistes. Cette terre où ils pouvaient se réfugier. Donc eux, ils ne connaissaient pas d'autres terres où ils pouvaient se réfugier. Mais par contre, ils avaient quelque chose. Ils avaient l'iman. Et c'est pour ça va être une histoire immense qu'on va relater là, et qui nous est relatée dans la sourate La Caverne. Beaucoup la lisent le vendredi, mais vous allez voir, lorsque vous connaissez les détails de cette histoire, comme on va l'apprendre, Inch'Allah, à travers l'étude, à travers cette assise et l'autre assise, Inch'Allah, bi'idhnillah, prochaine, vous allez voir que ensuite, lorsqu'on va lire les versets et cette histoire, là, on va tirer des enseignements et là, on va pouvoir la méditer comme il se doit. Ces jeunes-là, ce qu'ils ont, c'est el-Iman. Mais ils ne savent pas où suivre. Ils ont la foi. Ils croient en l'unicité d'Allah, mais ils ne savent pas où suivre. Il n'y a pas de terre à l'époque de monothéistes où qu'ils connaissent où aller se réfugier. Mais ce qu'ils ont, ils ont un cœur rempli de foi. Ils sont guidés dans le droit chemin. Akramahumullahu bihi wa zadahum huda. Et Allah les a honorés avec cela. Et donc il leur a rajouté de la guider. Yaj'aluhum yathiquna bi anna Allah azza wa jal sawfa yaj'alu lahum makhrajan. Et donc le bienfait qu'ils aient l'iman, la foi dans leur cœur et qu'ils soient guidés, ils avaient quelque chose en eux. Il y avait quelque chose d'important. Même s'ils ne savaient pas où se réfugier. Même s'ils ne savaient pas où aller vivre, même s'ils ne connaissaient pas de terre pour fuir où il y avait des monothéistes, ils avaient quelque chose. Ils avaient un cœur où il y avait la foi et donc ils avaient la confiance en Allah. Et c'est ça qui a fait la différence, c'est que eux, même s'ils ne savaient pas où fuir, ils avaient une confiance en Allah, une confiance en leur Seigneur. Ils savaient qu'Allah leur accorderait une issue. Et comme Allah dit dans le verset, et dans un verset, Allah dit, et celui qui craint Allah, Allah va lui faciliter, lui trouver une facilité pour son affaire, en traduction rapprochée du sens du verset. Falam yatazawwadu ghayra taqwallah. Donc ils n'avaient pas d'autre provision si ce n'est la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Prenez vos provisions parce que la meilleure des provisions c'est la piété comme Allah nous dit dans un verset. Fa i'tazalu shirk. Eux, ils se sont éloignés. Ils se sont isolés du polythéisme et des polythéistes et de ces païens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ces jeunes-là, ils avaient thiqa. Ils avaient la confiance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient la confiance en leur Seigneur. Alors ensuite, ils ont trouvé une caverne. Ils ont trouvé el-kahf, ce qu'on appelle el-kahf. Mais lorsqu'alors ils ont trouvé la kahf pour se réfugier, alors ils se sont réfugiés dans une caverne. Mais combien de temps ils allaient rester dans la caverne? Un jour, yom ou barda yom, ou bien une partie de la journée, ou al qadiya la tazal qa'ima. Combien de temps ils allaient rester dans cette caverne? Et le fait de rester dans cette caverne, est-ce que ça allait régler leur situation? Le fait qu'ils ont fui leur peuple, ils ne savent pas où aller. Alors ils rentrent dans cette caverne. Mais combien de temps ils allaient rester dans cette caverne? Ils seraient à un moment donné obligés de revenir vers les leurs, vers leur peuple, une autre fois. Mais eux, ils ne pensaient pas à ça, aux causes terrestres. Eux, ils s'en sont remis complètement à Allah et toute leur confiance, ils la remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum la yaroun al-makhraj. Eux, ils ne voient pas l'issue, ils ne connaissent pas l'issue. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala qui, lui, est celui qui accorde l'issue. Et regardez ça, c'est une grande leçon premièrement, c'est qu'eux, ils ne connaissent pas l'issue, ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Mais eux, ils accordent leur confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne connaissent pas l'issue, mais ils savent qu'Allah accorde l'issue. Lakinnahum yu'minuna bi anna Allah sawfa yaj'al lahum makhrajan. Wa kayfa yakun al-makhraj. Eux, ils savent qu'Allah va trouver l'issue favorable. Mais quelle est cette issue-là? Quelle va être cette issue? Ça, ils ne le savent pas. Et c'est ça l'affaire de tout croyant. On ne connaît pas l'issue favorable. On ne sait pas quelle va être cette issue. Mais l'important, c'est qu'on sait qu'Allah est celui qui accorde l'issue favorable. C'est ça l'important. Et donc Allah teste la certitude du croyant. La ya'lamuna kayfa yakun. La ya'lamuna kayfa yakun. Eux, ils ne savent pas, ils n'ont pas de connaissance qu'est-ce qui va se produire. Comment ils vont être sauvés de leur peuple? Parce qu'à un moment donné, s'ils reviennent à leur logique, ils seront obligés de revenir vers leur peuple. Mais eux, ce qu'ils savent, c'est qu'Allah il est capable de leur trouver l'issue. Et Allah Jalla wa'ala est celui qui promet aux gens de la piété l'issue favorable. Et donc, eux, ils ne savent pas qu'Allah est capable de tout. Et jamais ça leur est venu à l'esprit. Jamais ça leur est venu à l'esprit qu'Allah saufa yanqulhum, qu'Allah les fera déplacer d'une époque à une autre époque. Qu'Allah les fera aller d'une époque vers une autre époque. D'un temps vers un autre temps. D'un temps où s'est propagé le polythéisme et où a triomphé les gens du polythéisme vers une époque où il y aura des gens du monothéisme. Et il y aura des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, croyant en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est-ce parmi eux qui aurait pu croire en cela? Qui est-ce parmi eux qui aurait pu penser cela? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait leur accorder une issue favorable. Et donc ils allaient se déplacer d'un temps vers un autre, d'une époque vers une autre époque. Chez Ajib. C'est une histoire immensément étonnante. Et dans le verset, pour cela, vous allez voir au début de la sourate, quand on va l'étudier, dans le verset, Allah Jalla wa Ala nous dit que nous, on la trouve étonnante. C'est une histoire qui est immensément étonnante. Pourquoi? Parce qu'ils vont rester plus de 300 ans, comme il est dit, et 9 ans. Plus de 300 ans et 9 ans dans la grotte, sans qu'ils s'en rendent compte. Subhanallah. Et lorsqu'ils vont sortir de cette grotte, il y aura un peuple qui seront monothéistes, ala tawhid. Subhanallah. Et là, pour nous, elle est étonnante. Allah Jalla wa Ala dit que cela, pour lui, n'est pas étonnant. C'est rien pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça. Et donc, on va se quitter sur ça. Et demain, on évoquera bien l'histoire. On continuera, inshallah, sur la compréhension des versets. Et vous allez voir que c'est une histoire qui est immense, en réalité. Immense. Et vous allez voir les enseignements. Déjà, on a pris juste le début. Il y a des enseignements qui sont immenses pour tous les croyants de toutes les générations qui viendront. Et surtout ceux qui lisent cette sourate. C'est pour ça que ce n'est pas en vain qu'il nous a été commandé de lire cette sourate tous les vendredis. De lire cette sourate, de s'imprégner de cette sourate, de s'imprégner des leçons. Comme on a dit précédemment, il y a des détails qu'ont évoqué les savants concernant les détails de cette histoire, à quel moment elle se serait produite. Donc, il y a de nombreux détails qui ont été évoqués. Mais ce qui est important, comme on l'a dit, c'est l'histoire en elle-même qui nous est relatée dans le Coran. Pour cela, il y a certains détails qu'Allah ne nous a pas relatés. Mais ce qui est important, c'est l'histoire en elle-même qui nous est relatée dans le Coran et ces leçons à tirer qui sont profitables pour les individus de manière individuelle et pour les peuples. Des leçons pour les peuples. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك